fait plus dans les stories. On fait plus dans les stories, on fait baisser les stars. C'est vrai que le match est horrible, dis tout bien qu'il n'est qu'un. On a trop fait les cons, on me soume si on doit mettre en paix. On m'a dit serre les pompes, bientôt toi a plus besoin d'en mettre. C'est DIM l'ancien, je respire comme produit dans le sachet. Patate les Hellcats, si tu goûtes, tu te niques la dans ta geste. Aïe aïe, si c'est de la zig, bouge comme ça me classique. On dira jamais tout ici, depuis Catherine je fais toujours de la zip. Ah y'a pas de galère mon ref, ça change depuis les billets. Ça me donne faim, on va tout raser, y'aura plus rien à épiler. Fais-moi voir un peu, je fais le double, elle crie voir, je fais le sourd. Je rentre en bois, c'est VIP, si t'es mineur, fais ton tour. C'est comme ça ma chérie, je suis débordé, tu veux que je te réponde. Je sors bien derrière le bif, de calculer, donne-moi la raison. Bim bam, tu es Dracula, c'est crapuleux, toujours un coulot. Je finis les bras, j'y pue, je retourne vider la taille au boulot. Et quand je remonte les stores, c'est là que je regarde leur story. La chance d'une scène hardcore, et on dit même pas sorry, y'a que du sale que je vomis. Des photos de moi la précision, je leur dis qu'on fait viser le mille. Ça me dit certes que la précision. Tic tac, on fout ma place, je crois que c'était moi l'incompétent. Bim bam, ça garde la classe, toi ça reste à compéter. On fait pavé de shit, on fait boulette de C. Tu fais pas de spice bar et on trouve pas sa chouette de sec. C'est moi qui gère la rime l'ossa, coup de viole dans un mini cooper. C'est ici pour ton dernier morceau, mais ça reste un menu copieux. Tic tac, là on s'espère la tête, depuis le c'est camouflé. 08 quand tu pèses, il te reste plus qu'à te moucher. TML, 0 pécho. 08 quand tu pèses, il te reste plus qu'à te moucher.